C'est le tango des vérités premières, des lieux communs, du bon sens populaire. C'est le tango des proverbes ordinaires, le tango des recettes de grand-mère. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, non ma douce. Un tien vaut bien mieux que deux, tu auras. L'aura pas. C'est au pied du mur qu'on voit ce qui pousse, mon petit mousse. À ce qu'on dit, mais à bon chabon rat. Mon gars, t'en vas la cruche, qu'à la fin elle se casse. Ça lasse. Qui part à la chasse perdra sa place. Oh, glace. La proie pour l'ombre, il faut de ne pas lâcher. Tancher. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Quenier. C'est le tango des vérités premières, des lieux communs, du bon sens populaire. C'est le tango des proverbes ordinaires, le tango des recettes de grand-mère. Rien ne sert de courir à trop gagner. Trop gagner. On sait bien ce qu'on a, on sait pas ce qu'on perd. Dans les vieilles marmites, les meilleures potées, mijotées. Les bonnes intentions ont pavé l'enfer. Il vaut bien mieux un tout petit chez soi. Qu'un strapontin dans le palais d'un roi. À cheval donné, on ne brosse pas les dents. Du blanc. La vérité dans la bouche des enfants. Nya, nya. Le tango des recettes de grand-mère.